Bonjour et bienvenue sur Big Brother In Games, l'émission qui fait le ménage sur les actualités du monde vidéoludique. Bon, avant de passer à l'émission et détruire les news de l'e-sport, je ne vais pas vous présenter l'équipe qui m'entoure, mais je vais plutôt vous introduire à leur jumeau démoniaque. Il est grand, méchant, musculeux au possible, et sa voix est si sombre et sensuelle qu'elle pourrait vous donner un orgasme en un temps record. Je veux bien évidemment parler de DC alias Dark Clem. Ça va bien, Clément ? Oui, ça va, j'aime bien mon jumeau maléfique. T'aimes bien ton jumeau maléfique, quoi ? Ouais. T'as vu, J.? Je sais pas si je dois le prendre bien que... qu'il soit si bien. Chacun son truc, que veux-tu, hein. En tout cas, hein, il a été envoyé sur Terre dans le but de restaurer la gloire passée des pixels. Se battant corps perdu contre les sociétés acclamant les DLC payants et les gameplays foireux, c'est bien entendu notre charismatique Doc Dre. Adri ? Ça, c'est pas mon jumeau maléfique, c'est moi, ça. Hein. Ah bon ? C'est toi, ça ? Oui, ah, complètement. Ah. Casser la gueule à tous ceux qui font des DLC. Moi. D'accord. Et c'est pour ça que tu joues beaucoup à LoL, alors ? Bah, y'a pas de DLC. Allez, ah bon ? Quand tu payes tous les trucs, les skins, les choses comme ça ? Ah, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est ma connerie, ça. Donc, tu vois bien que t'as un jumeau c'est magnifique. C'est pas un DLC, je suis pas d'accord. Non. Alors, en tout cas, hein, après avoir été exclu de la sphère journalistique générale, il est passé du côté obscur de la force et est devenu un clone presque parfait d'Éric Zemmour. C'est bien entendu notre comte Binouz, alias Ben le Sombre. toi, t'es pas très content de ton jumeau démoniaque. Non, non, je le sens pas celui-là. Ah bon, t'es sûr ? Moi, je le trouve super sympa comme mec. Je suis désolé de t'avoir traité d'Éric Zemmour. Ça arrivera plus. Hein. En tout cas, t'es gentil. Oh, bah, ça arrivera toujours. Que... Bon alors, vous n'êtes pas sans savoir que Brother In Games a rejoint la web radio Daily Games. Hein, on vous en a déjà parlé à la dernière émission. Laquelle on vous conseille d'aller checker sur Facebook, Twitter et bien entendu leur site, hein, pour d'autres émissions en lien avec les gamers. Une grande nouvelle aussi, c'est que nous allons passer à un format de une émission par semaine. Bon alors il faut savoir que ça va être difficile de vous fournir des émissions sur les actualités vidéoludiques, hein, toutes les semaines. Vous vous doutez que d'une semaine à l'autre, il n'y a pas énormément de choses quand même qui se passent dans le monde de l'e-sport. Hein. C'est pas comme si tous les jours il y avait des scandales pour Ben, ou tous les jours il y avait de nouveaux achats de joueurs pour Clem, ou tous les jours il y aurait de nouveaux jeux indés pour Adrien. Quoique ça peut se faire, je suis sûr. Si, il y en a quoi, c'est juste qu'à côté j'ai un truc qui prend assez de temps, que ça fait un putain de travail. Bon, je pense qu'on est un peu plus, et ensuite moi je te fais un truc tous les jours. Eh ben écoute, on essaye d'y arriver, hein, jusque là. On verra bien ensuite. Alors en tout cas, voilà, il faut savoir qu'on va faire un autre projet aussi qui viendra s'immiscer entre deux émissions de Brother In Games, hein, qui s'appellera toujours Brother In Games, mais qui sera un petit peu plus différent dans un nouveau format. Vous verrez ça dans pas si longtemps que ça. Hein. Et donc maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous. C'est le moment de Dans ton bush avec Clem. Eh oui. Et comme d'hab, dans ton match, on parle de League of Legends. Et aujourd'hui, je suis pas content. Ah. T'es pas content. Pas content. Pas voilà, content. Merci. J'espérais que quelqu'un le fasse. Bon, comme tout le monde sait, League of Legends, c'est un jeu en constante évolution. Il y a le patch 6.3 qui vient de sortir. Et sur le patch 6.3, moi, il y a un truc où je suis pas content. Il y a un point en particulier. C'est quoi déjà ta chronique là ? T'es content ou pas content ? Je suis pas content. Pas content. Alors, pourquoi je suis pas content ? C'est Alistar a été nerf. Bon, ça c'est mérité. Mais il a aussi été rendu plus simple à jouer. Maintenant on peut plus rater son combo. Le combo d'Alistar c'était l'essence même du personnage. Et ça l'est toujours, mais maintenant on peut plus le rater. Et moi je trouvais que avoir un peu de difficulté, fallait l'entraîner ce combo d'Alistar. Tu pouvais pas le réussir du premier coup, hop je joue Alistar, je fais un combo et puis je tue tout le monde. Fallait s'entraîner un minimum, bon c'était pas non plus infaisable, hein. Il y avait pas besoin de centaines d'heures d'entraînement pour y arriver. C'était pas à la portée du premier joueur de ta première journée de League of Legends, tu pouvais pas réussir un combo d'Alistar comme ça du premier coup. Et maintenant tout le monde pourra le faire. Et pourtant, le combo d'Alistar, c'est un truc qui peut te retourner une partie, ça peut te faire gagner un teamfight si t'arrives à toucher 4 ou 5 joueurs de l'équipe adverse. Ça peut complètement changer le cours d'une partie. Bon, pas dans tous les cas, hein. C'est pas parce que quand t'es à 50-0, c'est pas un combo d'Alistar qui va te faire gagner. Mmh. En même temps, faut être très mauvais pour avoir 50-0. Hein. Faut être très mauvais, oui. Mais je comprends pas comment ils ont fait pour le rendre inloupable en fait. Maintenant, il suffit juste d'appuyer sur Z, et une fois que ton Z est lancé, t'appuies sur A et il se lancera au bon moment. C'est-à-dire à l'arrivée du Z. C'est-à-dire que tu lances le coup de tête et tu appuies très vite sur ton atomisation. Et l'atomisation se lancera toujours au bon moment. Et tu pourras plus rater l'atomisation en la lançant trop tôt. D'accord, je vois. Okay. Et moi, je trouve ça très décevant. Voilà, donc, je suis déçu que Riot simplifie le jeu. Bon, Alistar, c'est pas le seul exemple, c'était pas le seul truc qui a été simplifié. Et voilà, moi je trouvais que j'avais toujours une légère petite fierté quand j'ai réussi un combo d'Alistar. Et là, on l'aura plus. Il n'y aura plus de fierté à réussir un combo d'Alistar. Bah ouais, maintenant ta fierté, tu peux te la mettre au cul, quoi. Voilà, et moi je suis déçu que ça soit plus simple. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire que j'étais pas content. Bon, après... C'est surtout que ça fait une engage très forte et très facile à réaliser, quoi. Voilà. Bon, après, Alistar était un peu nerf, hein. Ses cooldowns ont été augmentés de quelques secondes sur son coup de tête et son atomisation. Et c'était déjà des cooldowns assez longs. Maintenant, on est à 16 secondes sur le... Ce qui augmente. Au dernier rang ? Oui. Mais ça fait une engage très forte et facile à placer. C'était difficile. Voilà, je suis juste déçu que ce soit plus simple à faire KO. Ça aurait pu s'être fier. Bref. Voilà, c'était mon petit coup pas de gueule, content du soir. Ouais, mon petit pas content de ce jour. Et je vais continuer par parler de compétition. Et je vais parler des LCS. Forcément, hein, je parle toujours des LCS. C'est important, la compétition de LoL. Parce qu'on est arrivé à la mi-saison. Ah. Et donc, à la mi-saison, je me suis dit qu'il fallait faire un petit point sur ce que j'avais pu prédire en début de saison. Et il y a une surprise en particulier, c'est que moi je m'étais dit au début de saison, Gamers 2, ça sera une équipe de bas de classement, on les verra au mieux de milieu de classement, mais ça sera pas une équipe qui va gagner beaucoup de matchs, c'est pas une équipe qui fera le spectacle. Et bah, pourtant ils sont premiers des LCS Europe, avec 8 victoires et 2 défaites. Ils sont premiers à égalité avec H2K. D'accord. C'est assez surprenant, mais quand on réfléchit un peu, c'est pas une équipe composée de rookies. Parce qu'on a Perks qui a montré un niveau de jeu très très très élevé au mid. On a Trix qui est un joueur coréen qui était pas très connu mais qui s'est montré un expert de la jungle. Et on a Kikis qui était connu chez UOL comme jungler et qui s'est montré très performant sur son changement de poste au top. Donc voilà, moi c'était ma surprise. J'attendais pas du tout Gamers 2 à un niveau de jeu élevé. Et pourtant... Ils sont premiers en Europe. Je pense que tu peux même leur dire pardon, hein, parce que oui, tu bah pensais oui, qu'ils étaient derrière. Je m'excuse, je ne les voyais pas très bons, et en fait, ils sont performants. En fait, t'es un peu notre Noah Tradamus, c'est ça, non? Oui, bah des fois, on peut fail ses pronostics. Bon, le deuxième point sur lequel je voulais revenir sur l'Europe aussi, c'est... Je voulais donner une mention spéciale à Vitality qui est actuellement deuxième du championnat et aussi nous a sorti une composition très originale face à Origin. Ils ont gagné avec une équipe composée d'un Gravestop, d'une Nidalee jungle, bon ça c'est pas original, d'un Zilean mid, d'un Corki ADC et d'un Bard support. Compo qui a été parfaitement exécuté, une compo très POC, hein. Ça, il y a un petit peu de POC sur tous les personnages, ça peut être assez violent. Une compo qui a été parfaitement exécutée, ils ont réussi à finir leur game contre Origin à 13-1. Ils sont morts qu'une fois, sinon Zilean a réussi à sauver tout le monde. Zilean et Bard ont réussi à sauver tout le monde. C'était très fort en engage, c'était très fort en POC, c'était très bien exécuté de leur part en plus. C'était assez beau à voir. Donc voilà, moi si je peux recommander une game, c'est Vitality contre Origin, j'ai trouvé cette game très intéressante. Après, je vais continuer au niveau des NA. Bon, au niveau des NA, j'ai moins de surprises sur le classement, même si j'en ai une. Il y a une équipe que j'attendais pas au sommet et qui est deuxième, c'est Cloud9. Après, on a Immortal qui est premier. Bon, Immortal qui ont fait un 9-0. Pour l'instant, ils nous font une Fnatic. Hein, mais il y a une Rain Over, il y a des connaisseurs des 18-0. Et après on a CLG, Cloud9 et TSM qui sont tous les trois 3e, tous les 3 2e ex aequo avec tous 6-3. Après je passe du côté coréen, on a les Rocks Tiger qui dominent, ils n'ont aucune défaite. mais on a deux équipes qui les suivent de près quand même, qui ont chacun deux défaites, c'est les Jin Air et les SKP. Donc, le niveau coréen est toujours aussi élevé, et les Rocks Tigers pour l'instant dominent et performent. Et pour conclure aujourd'hui, je vais finir sur... Je crois que c'est pas la première fois que je conclue sur cette équipe, mais une équipe qui continue de décevoir, une équipe, l'équipe la plus chère au monde, une équipe chinoise, l'équipe LGD qui est actuellement à une victoire et quatre défaites. Dernier de son groupe, puisque le championnat chinois est en deux groupes, et ils sont derniers de leur groupe, et pour l'équipe la plus chère au monde, on peut vraiment être déçu. Et je me demande même s'ils arriveront à remonter au classement. Pourtant, c'est vraiment une équipe qu'on attend au MSI, qu'on attend au World, et on verra si on les verra un jour là, dans ces compétitions-là. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Bah, quand on n'arrive pas à gagner... on n'arrive pas à gagner. C'est difficile, quoi. C'est difficile de se qualifier quand on est dernier de son championnat. Ouais, c'est vrai. Vu qu'ils sont en deux groupes en Chine, faut être au minimum combien au classement pour pouvoir être qualifié pour les MSI et les Worlds ? Alors, faut d'abord être qualifié pour les playoffs. Et pour être qualifié pour les playoffs, il y a les deux premiers de chaque groupe qui sont directement qualifiés. Et derrière, il y a les troisième et quatrième de chaque groupe qui affrontent le troisième et quatrième de l'autre groupe pour se qualifier. Et donc, le cinquième et le sixième ne sont pas qualifiés d'office. Et pour l'instant, LGD est sixième de son groupe. Ça fait mal, là. Donc une qualification qui paraît difficile. C'est pas fini, il leur reste des matchs, mais donc c'est pas impossible d'en monter. Mais ça paraît quand même un peu compromis actuellement. D'accord, ok. Alors du coup, est-ce que le devant de la scène de l'e-sport a d'autres choses, enfin de l'e-sport LOLISC, j'aime vraiment cette expression, est-ce que ce devant de la scène a encore d'autres choses à nous apprendre aujourd'hui? Pour l'instant... Je m'arrêterai là. Je ne vais point faire de pronostic. Hein. Et voilà, je vais pas faire de pronostic parce que j'en ai raté quelques-uns. Ah bon? Mais non, mais pour l'instant, la scène paraît bien définie quand même pour la fin de saison. Et au niveau européen et américain, il paraît pas y avoir de changement majeur d'ici la fin de saison, au niveau coréen aussi. Au niveau chinois, c'est encore un peu plus tendu parce que le format est un peu différent. Mais pour ces championnats-là, je pense que les équipes sont à peu près définies. D'accord. Bah, merci Clément pour cette rubrique dans ton bush que l'on attend tous à chaque fois. Hein. Mais c'est normal, hein. Maintenant on va passer à l'OST de Sword Art Online, l'opening numéro 2, Ignite Fall. On se retrouve juste après pour de nouvelles aventures pixelisées, j'ai envie de vous dire. でも何一つ変わりはしないんだろう。 De Sword Art Online, l'opening numéro 2 Ignite Full sur Brother in Games. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent avec nous pour parler de conneries, pour parler de vidéos, de jeux vidéo et d'autres choses. Et justement, on va passer maintenant au côté sombre de la force, au côté que l'on aime tous, que l'on acclame même, j'ai envie de dire, c'est le GIGN avec Adri. Ouais, salut à tous. Alors, puisque tout le monde a envie de parler de MOBA, j'ai dit, allez, ce coup-ci, on va s'y mettre aussi. Donc, laisse-moi deviner. Aujourd'hui, Overwatch. Oui. Absolument pas. Mec, je fais du jeu indépendant ou je fais pas du jeu indépendant? Ah, pardon, excuse-moi. Je sais pas, Overwatch, Blizzard, petite boîte indépendante. Grave. On en parle, on peut en parler. Hein. Ouais, ils ont pas fait beaucoup de jeux, Blizzard, ils sont pas très connus quand même sur le milieu. Ouais. Ils n'ont pas trop d'actionnaires derrière eux, ils sont bien indépendants, quoi. Exactement. Donc non, du tout, on ne parlera pas d'Overwatch. Aujourd'hui, on va parler de Awesome Notes. Donc Awesome Notes, donc la combinaison en fait des deux mots Awesome et Astronauts, et un MOBA développé par Ronimo Games, qui est une petite boîte indé du Pays-Bas, et donc qui a accouché déjà de deux jeux, Sword and Soldiers 1 et 2, qui en fait ça se résume à être un jeu de stratégie où en fait tu dois juste envoyer les bonhommes sortent de ta base et se fight contre les ennemis au milieu si tu veux, il faut juste faire progresser la ligne en fait. Je sais pas si je vous voyez. C'est pas un peu un style genre Tower Defense en mode t'envoies des unités, les autres envoient des c'est unités. C'est pas du Tower Defense puisque tu défends pas, t'attaques, mais en gros en fait tu juste faut que tu saches quelle unité produire pour contrer les unités ennemies et juste progresser sur la map, tu vois. Mais la map, elle est juste en 2D. C'est juste une lane en fait. Ok. Ça me fait penser à un mode de jeu de Warcraft 3 en multi, qui était comme ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport ou pas du tout? Je ne vois pas à quel mode tu fais référence, mais... J'ai pas le nom sur le... J'ai pas le nom. Vu le nombre de modes de jeu qui sont sortis sur Warcraft 3, je dirais qu'il y a de très grandes chances. Je tiens quand même à préciser que moi tu m'as engueulé parce qu'on parlait de Blizzard alors que lui il amène Warcraft 3 comme ça et non, que dalle. Il parle pas du jeu que je vais parler aujourd'hui. Ouais, mais quand même. Bon, bah non, pas quand même. Je dis juste qu'il me semble qu'il y a un rapport, mais je suis pas sûr. Voilà. Laissez-le faire sa chronique, voyons. Merci Benjamin. Putain, c'est toi qui dis ça, Benjamin. Ouais, c'est moi qui dis ça. Je prends sa défense pour une fois. Félicitations, je suis très fier de toi. Ouais. Donc du coup, fait Sword and Soldiers 1 et 2, qui sont basés sur ce principe-là. Et donc aujourd'hui, moi, je vous parle de leur deuxième jeu, qui s'appelle Awesome Notes, et qui est sorti officiellement en 2012. Donc aujourd'hui, je vous parle pas d'un jeu hyper récent. Mais il est sorti ensuite avec deux DLC. Oh putain, je vais me faire taper sur les doigts. Le DLC Starstorms et le deuxième Assemblé, qui est pour l'instant juste réservé à la Xbox et à la PS4. Donc, Somnode, en quoi ça se résume? C'est un MOBA où on va contrôler un mercenaire de l'espace et il va falloir, comme dans tous les MOBA, défoncer la base ennemie. Alors comment ça se passe? On a deux lanes, sauf que le jeu est en 2D. Donc en fait, on a juste une lane en haut et une lane en bas. Donc c'est un action platformer qui joue à la manette. On retrouve un petit peu tous les mêmes délires qu'on va retrouver dans les MOBA, c'est-à-dire, donc bien d'en parler, les lanes, barre des creeps. Il y a un shop. Alors le shop, pour comparer par exemple avec League of Legends, on va pas acheter des items dedans, mais c'est là où on va développer en fait les compétences de son perso. D'accord. Des tourelles qui sont infranchissables. Il faut vraiment bien toutes les détruire pour pouvoir progresser. On peut pas die ou aller attaquer un mec derrière ses lanes. Il y a 18 persos jouables, 5 qui sont dans l'extension Starstorm, qui est actuellement à 8€, voilà. Côté graphisme et musique, alors côté graphisme et musique, c'est vraiment le bon gros point que j'ai trouvé du jeu. C'est vraiment bien fun, c'est un petit peu dans le délire des vieux dessins animés des années 80, tu vois. Genre quand le jeu il se lance, ça doit faire un petit jingle du style Starstorms. Tu vois, je sais pas si vous voyez, moi ça a fait direct penser Sega. Ouais, voilà, c'est vraiment dans ce délire là, c'est le truc bien kitsch un peu de ces bonnes vieilles années, disons-le. Mais bon voilà, j'ai trouvé ça bien fun. Les graphismes, c'est du dessin animé. Donc pas grand-chose à critiquer, mais on arrive très bien à faire. Quand tu dis dessin animé, tu parles plutôt genre Borderlands ou Non, c'est pas du cel shading. C'est vraiment du dessin animé en 2D. Je veux dire, tu regardes. Oh putain, j'ai pas de bonne référence, mais là, le truc qui me vient en tête tout de suite, c'est les Star Barbares. D'accord, ouais, de Bob Lennon et de Bob et Benzaï. Et de Bob, c'est exactement ça, la petite touche graphique du jeu. D'accord, ok. L'ambiance. Alors, juste comme ça, hein, pour les auditeurs, on sait que Star Barbares a été créé par un Américain, c'est juste que je pense qu'Adrien et moi, on a pas le nom du mec tout de suite. Et en français, bien sûr, les voix sont sorties avec, comme on l'a dit, Benzaï, Bob Lennon. Et je crois même qu'il y a Seb, de joueur du grenier, qui participe aussi. Ouais, ouais. À regarder, si vous avez l'occasion, je crois qu'il y a que deux épisodes, mais c'est juste débile et trop drôle. Il y a trois épisodes, mais il a été dit, enfin celui qui l'a créé, l'Américain, va bientôt en sortir une nouvelle saison et ce sera repris. Ça serait bien. Ce sera repris. Enfin bon, continue, pardon, excuse-moi. T'arrêtes pas de me couper aujourd'hui. Ouais, je sais, mais je suis un peu comme ça, ouais, je suis un peu un badass. Donc voilà, on va contrôler parmi, voilà, c'est 23 persos. Donc il y en a plein de classes différentes, on va retrouver exactement les mêmes classes qu'on va avoir dans un MOBA. J'ai vu des tanks, j'ai vu des assassins, des ranges. Pour l'instant, j'ai vraiment trouvé vraiment toutes les composantes, je vais dire, d'un MOBA, et c'était vraiment cool. C'est vachement simple à prendre en main, ça se joue à la manette. La touche A pour sauter, la touche X qui va faire l'équivalent de d'une auto-attaque, et ensuite deux compétences, donc du coup qu'on va développer dans le shop, sur les deux autres boutons, une touche pour back et une touche pour accéder au shop, et voilà, le jeu est fait. Comme je sais pas si j'ai dit, c'est du 3v3, je l'ai dit, je ne pense vous avez pas écouté, c'est pas grave, c'est du 3v3. tu l'avais pas dit, enfin en tout cas c'est du 3v3 et il y a possibilité d'inviter ses potes en ligne, mais bon, ça me semblait un petit peu la base. Mais il y a aussi possibilité de jouer à plusieurs sur le même PC. Et ça, je trouvais ça vachement cool pour un MOBA. D'avoir un petit contenu offline, je dirais. Ouais, grave. Et donc, du coup, ouais, ça rend le truc bien sympa. Alors, c'est vachement fun. Ça me paraît un petit peu bordélique. Il y a certains moments, c'est tellement le bordel. Ça explose tellement de tous les côtés que t'as du mal à voir un peu ce que tu fais. Mais bon, j'ai envie de dire un petit peu sur LOL, quand ça vole un peu tous les ultis, bon, tu cliques, et puis bon, tu pries. Tu vois bien, tu pries. Non, ça, c'est la différence entre un bon joueur et toi, Adrien. Mais t'avais dit qu'on n'en parlerait pas. Mais c'est ça, fait ce soir, en fait. Comme le jeu, c'est le dernier truc que je voulais parler par rapport au jeu, c'est qu'il n'y a pas de mode classé. Et j'ai pas encore testé tous les persos, mais je pense qu'au niveau de l'équilibrage, ils sont peut-être pas encore au top du top. Mais de toute façon, comme j'ai dit, c'est surtout très fun et très bordélique. Donc C'est vraiment un MOBA où tu vas y aller vraiment pas pour te prendre la tête, quoi. Il va pas y avoir de mode classé, je pense qu'ils en feront pas. Je vois pas trop d'intérêt à mettre un mode classé là-dedans, tellement c'est le dawa. Mais en tout cas, c'est très drôle. Et écoutez, les mecs, à 10€ sur Steam, je vous attends. J'ai pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai pas d'argent. Tu sais que si on fait cette émission sur internet, c'est qu'on n'a pas les moyens de les faire ailleurs. Que du coup, ça veut dire qu'on est tous un peu fauchés aussi, tu vois. Enfin... Oh, Diboulas. D'accord, ok. Bah écoute, oui, on te rejoindra. Ou si ça se trouve, un de nos auditeurs te rejoindra peut-être sur le jeu. Et ben qu'il vienne. Il te trouvera, il te traquera. Et il te pulvérisera. Non. Non, il faut non. pas. Non. Non, moi j'aime bien la coopération. Tu aimes bien jouer à plusieurs. T'arrêtes toi. Avant que tu prennes tes cachets. Pardon. Donc voilà, c'était Awesome Notes. Donc comme j'ai dit, 10€ sur Steam. Je sais pas, désolé les mecs, je sais pas les prix. Sur parce que c'est disponible aussi sur le PlayStation Network et le Xbox Live, mais bon, ça doit être dans le même ordre de prix. Ouais, généralement c'est à peu près la même chose, hein. Steam s'aligne sur les grosses entreprises maintenant, on va dire. Ouais, donc je pense que c'est dans ces prix là et puis voilà, non, franchement c'est bien sympa, c'est un bon petit jeu, je pense, pour un casu de MOBA. Les parties ça dure 15-20 minutes. Ouais, d'accord, un truc bien sympa quand même. Donc voilà, c'est pas comme ça a été décrit, c'est vraiment pas prise de tête. Il y a moyen de jouer avec ses potes et c'est amusant. Donc voilà, si vous avez envie de passer un bon moment sur un jeu indé, vous faire plaisir avec un ou plusieurs potes, et bah allez jouer à Awesome Notes, c'est ça ? Awesome Notes, ouais. Yes, nickel. Bon, merci Adrien. Et puis, tout de suite, on va partir avec le son préféré de toute l'équipe. Hein. Je pense que là, personne ne va rechigner à ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que oui, messieurs, dames. Non, mais personne va te croire, là. Imposer ton veto, arrête. Hein. Parce que oui, effectivement, messieurs, dames, nous allons écouter Little Big avec leur tout nouveau titre, Big Dick. Oui. Thank you. C'était donc Little Big avec leur tout nouveau titre Big Dick. On se souviendra tous bien entendu de ce son qui les a fait connaître, qui les a portés jusqu'aux cieux, jusqu'aux portes d'un gros producteur avec beaucoup de fric. Et oui, c'était bien Drinking Every Day. Et en parlant de boire tous les jours, hein, parce que c'est la traduction, je sais, je parle extrêmement bien anglais, comme tous ceux qui sont présents avec moi dans cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes un peu déçus, nous n'aurons pas de petites anecdotes coquines, j'ai envie de dire, mais ce coquin-là va nous parler de tout ce qui se passe dans la scène e-sport. Benjamin, c'est parti pour les infos de Ben. Merci Julien pour cette petite introduction tout à fait sympathique. Alors aujourd'hui, je vais parler du CSGO un tout petit peu. J'ai pas beaucoup d'infos sur CSGO en ce moment, ou en tout cas pas des infos qui sont vraiment intéressantes. On va parler d'un nouveau scandale aussi sur StarCraft 2, parce que y en a pas encore assez. On va parler de StarCraft 2 aussi sur les IEM de Taipei, qui ont eu lieu un peu plus tôt dans l'année, donc fin janvier. On va aussi parler de Hearthstone et des changements sur le mode compétitif de Hearthstone, en fait. Donc on va commencer par du CSGO, avec, il y avait la DreamHack liée... Alors, punaise, ça c'est compliqué à dire, c'est Leipzig, L-E-I-P-Z-I-G. C'est horrible à prononcer, je sais pas pourquoi ils font ça. Bref, c'était la dernière DreamHack. Et donc en gros là, vous pouvez déjà introduire le hashtag #PaytonOrthographe. Voilà, c'est ça. Et non mais c'est... Donc attends, tu peux nous redire qui... le nom? Ouais. Alors c'est la DreamHack Leipzig. Voilà, Leipzig. Bah tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Mais je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on le prononce en fait. C'est pas grave, c'est comme ça que nous on le prononcera. Merci de me supporter dans cette prononciation. Bah j'ai pas le choix, t'as signé. Oui, c'est vrai. Bon, allez, vas-y, je suis désolé. Bon, alors, du coup, ce que je disais, c'est que Navi, l'équipe Navi, donc ukrainienne à la base, a gagné la DreamHack Leipzig 2-0 contre Luminosity Gaming. Donc, Navi, c'est un top 5, je pense, en ce moment, ouais, on va dire top 5 sur CSGO. Donc, une bonne performance de leur part. Ils ont fait leur boulot comme il fallait. Et il faut savoir qu'en fait, ils étaient sur 6 victoires d'affilée pendant la compétition. Donc ils étaient plutôt en forme, ouais. Plutôt chaud. Ensuite, on va partir sur du StarCraft 2 avec le nouveau scandale, qui est en fait lié au dernier scandale que je vous avais parlé sur un certain nombre de membres assez éminents de l'e-sport qui avaient été arrêtés pour des matchs truqués, en fait. Où c'était matchs truqués avec des bookmakers et tout. Et il y a eu une suite à ce problème-là. Et le problème, c'est que c'est le cinquième meilleur joueur au monde, là, si je dis pas de conneries en ce moment, c'est Life, qui a été arrêté et qui est en ce moment en plein jugement, en plein interrogation sur justement ce scandale de matchs truqués, de matchs arrangés. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, il y a la GSL Code S. Donc, en gros, la GSL Code S, c'est un tournoi coréen où tu as tous les plus gros coréens de StarCraft 2 qui se foutent sur la gueule. Alors déjà que la Corée, c'est le top. Après, tu prends le top de la Corée et tu les fais se casser la gueule entre eux. Donc, c'est un niveau gros, assez... En gros, t'es en train de nous dire que c'est une sorte de battle royale, mais voilà, en mode StarCraft, quoi. Ouais, en gros, c'est un all-star du StarCraft, on va dire. Un truc du genre, tu vois, avec tous les plus gros... les plus grosses machines de StarCraft. Concernant les IEM, toujours en StarCraft 2, hein, c'était les IEM Taipei, donc à Taïwan, pardon. Alors c'est la Corée justement qui avait eu du mal sur les derniers grands tournois, mine de rien, qui est revenu totalement plus fort que jamais. On avait un Français en quart de finale, Lilbo. Il y avait un deuxième foreigner, donc étranger, c'était Snoot. Norvégien, si je ne dis pas de bêtises. Et bon, alors les deux se sont fait rouler dessus. Lilbo a perdu 3-0 contre Dion, un coréen. Et Snoot s'est pris 3-1 contre Hero, un coréen aussi. Et derrière, il n'y avait que des coréens. Donc il y avait Dion, il y avait Sulky, il y avait Polt, il y avait SOS, MC et Hero. Du coup, en demi-finale, la première demi-finale, c'était Dion contre Sulky. Sulky qui a mis une très belle manche. Mais qui derrière, il s'est fait massacrer, quoi. Il a fini en 3-1, donc c'est Bion qui passait en finale. Et de l'autre côté, c'était Sauce contre Hero, c'était plutôt serré. C'est Sauce qui s'est imposé. Et dans la finale, c'est 4-2 pour Sauce. Donc plutôt pas mal, quoi. Une belle performance de sa part. Et puis, il a déjà un palmarès qui est malade, qui est un truc de malade, parce qu'il a gagné Global Finals, là sur les deux jours d'IEM, enfin, il était monstrueux aussi. Vraiment un mec qui se maintient au top et qui fait ça bien, tout simplement. Et d'ailleurs, si jamais vous aimez bien StarCraft 2, je vous conseille d'aller voir ses games, c'est toujours impressionnant. Enfin, comme la plupart des grands coréens. Maintenant, je vais partir sur du Hearthstone. Alors, tout d'abord, pour la DreamHack. Je vais pas redire le nom, mais c'est la DreamHack, voilà. On va l'appeler comme ça maintenant, ce sera plus simple. C'est Purple qui a gagné la première place. Il a gagné, donc voilà, la première place, il faut savoir qu'il n'avait pas de deck paladin. Donc c'est un peu étrange en ce moment, au vu de la méta sur Hearthstone. Et on part de quoi ? C'est bien, ça fait plaisir. Oui, c'est une bonne chose, ouais. Paladin secret de mes couilles. Oh, reste poli, voyons. Et le cœur qui parle. Ouais, j'ai bien compris. Hein. Et donc, bah voilà, ça lui fait une victoire à ce Canadien là, pour les premiers événements de 2016. Alors ensuite, toujours sur Hearthstone, en parlant de la méta encore une fois, et là c'est à ce moment-là où j'aurais bien besoin de quelqu'un qui sait jouer au jeu et qui joue très souvent au jeu, c'est que Blizzard a annoncé l'arrivée d'un nouveau mode compétitif où il n'y a que les cartes qui sont sorties sur les deux dernières années qui peuvent être utilisées en tournoi. Donc ça voudrait dire que, par exemple, là, à partir du moment où cette règle est mise en place, ça serait Naxxramas et l'extension Goblin et Gnome seraient retirés en fait des cartes qu'il est possible de jouer dans cette forme de tournoi et pas principalement du championnat du monde de Hearthstone. Et c'est pour ça que je voulais savoir avec Adrien, parce que je sais qu'Adrien joue pas mal à Hearthstone, savoir ce que ça va changer, savoir ce que t'en penses toi de ce changement, puis vous aussi hein, les autres, je sais pas si vous y jouez encore beaucoup à Hearthstone, mais j'aimerais avoir votre avis. Alors personnellement, je joue pas trop en ce moment à Hearthstone, mais j'imagine que ouais, ça va certainement changer pas mal de choses. Ah, ça c'est sûr. Je moi, peux je... pas t'en dire plus. Je joue très très peu à Hearthstone, donc je suis pas étonnant. Non, très peu. Donc du coup, analyse là-dessus. Ouais, on va se référer sur l'analyse de Adrien, du coup. Encore. Si tu veux. On est mal barré. Ouais, voilà, c'est ça, je lui fais confiance, mais je sais bien que ça risque d'être problématique, du coup. Mais non. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que. Et on s'est rendu compte aussi, que la branche de Naxxramas, l'aventure de Naxxramas, avait donné des cartes beaucoup trop OP, en fait, par rapport au reste du jeu. Ce qui fait qu'en fait, malgré le fait qu'ils aient sorti les nouvelles extensions qui étaient le grand tournoi et le truc, la dernière aventure, comment ça s'appelle ? La dernière aventure sortie, bref. Malgré le fait qu'ils aient sorti ces deux derniers sets-là, en fait, bah, la méta c'était toujours avec les grosses cartes de Naxxramas, bah, c'était toujours là pour être OP, donc on continuait à jouer avec ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis cette nouvelle règle, c'est pour trouver un moyen en fait de se débarrasser de ces grosses cartes complètement pétées en fait. Parce qu'à ce moment-là, faut soit les supprimer, soit complètement les changer quoi. D'accord. Parce que si tu les nerfs, bah, ils n'ont plus aucun intérêt. Donc. Ouais, donc essayer de faire un changement de méta pour rendre les tournois plus intéressants en fait. C'est ça. Alors, moi je suis plutôt pour, parce que parmi ces cartes, il y avait des cartes qui se basaient énormément sur la RNG. Je pense notamment à Dr. Boom et au Déchiqueteur Piloté. Après, le truc, c'est que en même temps qu'ils vont sortir, donc du coup, ce mode standard, comme ça qu'ils appellent ça, ils vont sortir une nouvelle extension. Comme elle sera toute récente, elle sera acceptée dans le mode standard. Ce qui me fait peur, c'est que la nouvelle extension contienne aussi beaucoup de cartes avec de la RNG. Parce qu'en gros, qu'ils se débarrassent des cartes pétées, bon, c'est bien, mais j'aimerais bien qu'ils se débarrassent aussi un petit peu de la RNG. Qu'on soit plus un petit peu basé sur des match-ups plutôt que sur des coups de chat, quoi. Après, sur les jeux de cartes, c'est très courant aussi. Oui, après, les cartes, c'est un jeu de cartes. C'est vrai. Mais bon. C'est intéressant en soi, et puis forcer le jeu à évoluer. Ouais, non, parce que ouais, justement, c'est ça quoi. Évoluer, faire évoluer la méta, c'est bien beaucoup plus intéressant à regarder. Parce que pour tous les spectateurs, déjà que Hearthstone, moi je trouve ça très très chiant, hein, faut le dire, à regarder en tant que tournoi. Si jamais tu rajoutes des nouveautés, vraiment tu laisses. Enfin, tu lances la création, l'imagination des joueurs pour faire leur deck bien spécifique, très différent de ce qui existe, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus intéressant aussi. Non, alors ça, je te rassure, de ce côté-là, il y aura quand même des méta et. Ah ouais, mais je veux dire, elles vont changer quand même. Mais elles vont changer, la méta va changer beaucoup plus facilement. Parce que c'est vrai que bon, Naxxramas est sorti il y a près de 2 ans. Nommé Goblins, ça doit faire plus de 2 ans aussi qu'on voit des Dr. Boom quoi. Bon, c'est bien, mais bon, si on pouvait changer un peu, ça serait pas mal aussi. Oui, allô. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que t'avais pas fini, en fait. C'est pour ouais, ça. Non. Non, si, voilà, c'est juste ça, c'est... Ouais, changer, bah, pas ouais, mal. Pour, forcer la méta à évoluer, ça va être un bon point. Après, très bien. On verra ce qu'ils donneront dans leur nouvelle extension, qui, si je me rappelle bien, va être basée sur une histoire de Kraken. Donc, peut-être pas mal de Murlocs à venir. On verra. Ouais, c'est une possibilité, ouais. Troll aussi, éventuellement. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton information. Parce que les deux autres, c'était pas très utile, je dois t'avouer, dans cette analyse. Hein. Alors, si j'ai le droit de parler, franchement, et vu que c'est mon émission, j'ai le droit, je t'emmerde. Ouais. C'est tout. Ouais, bon, punaise, je m'attendais à quelque chose un peu mieux quand même de ta part. Ouais, non, je suis fatigué ce soir, et puis je t'insulte beaucoup trop d'habitude, donc je vais attendre un peu. Je vais te laisser respirer aujourd'hui. C'est mon cadeau. Tant de générosité, encore une fois, là. Ouais, c'est ton cadeau de Noël, hein. Comme quoi, j'aurai pas à t'en faire un l'année prochaine. Ouais, pour d'avance ou un peu en retard, très bien. C'est toi qui vois. Et bah écoute, moi c'est ce qui termine, conclut cette petite partie d'émission sur les infos, intéressantes ou pas intéressantes. C'est à vous de voir. Ouais, je peut-être et pas intéressante, mais... intéressant. Chaque fois que tu parles, c'est intéressant, Benjamin. Mais merci, oui. Mais dis donc, c'est ma fête ou quoi là, c'est quoi, vous allez m'annoncer de mauvaises nouvelles, je suis viré, c'est ça, je reste pas, ou non, c'est quoi? Non, c'est juste que je pratique l'art de l'ironie. Oh, c'est mignon, tiens, on se fait des petites blagounettes entre coéquipiers, entre collègues, comme on dit. Et bah en tout cas, merci pour ces infos, bah du coup, très simples cette semaine. Un peu déçu, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Tu nous feras plus de sensations, plus d'effets, comme on dit, hein, dans deux semaines avec... YP qui sera peut-être de retour, nous l'espérons tous. Ouais, ça y est, lui, dès qu'il n'entend pas parler de YouPorn, c'est pour ça qu'il est pas content, quoi. Bah grave. Bah oui, forcément, c'est toujours ça. Non mais les mecs, s'il y a bien une seule chose qui m'a donné envie de faire cette émission, c'était parce que j'ai entendu Benjamin parler de YouPorn, qui montait une team et tout, du coup moi j'étais tout à fait excité, tout à fait content, tu vois. Ça m'étonne pas de toi, vieux pervers. Excité, c'est le mot, ouais. Ouais, c'est ça. Bon allez, en tout cas, merci Benjamin, comme je l'ai déjà dit, que vous arrêtez pas de me faire chier depuis. Et mais bon, voilà, hein, on est tout content, on est très content effectivement parce que on va écouter un son, ça, pour nous c'est un peu notre hymne national, tu te lèves le matin quand t'es un gamer, tu écoutes ce son, hein, surtout quand tu joues à LOL, et c'est bien évidemment Warriors de Imagine Dragon qu'on écoute tout de suite. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. retour sur Brother in Games. C'était bien évidemment le son de Imagine Dragon qu'on s'est écouté. Hein. On s'en souvient tous de ce son qui avait participé à l'opening des Worlds 2014. Putain, j'étais presque. Mais maintenant, je suis très content parce que ça va être le moment de la cave asiatique. La cave asiatique où on va encore parler d'un animé slash manga qui déchire tout. Bon alors, avant de commencer, je vais vous préparer psychologiquement, on va dire. Hein. Bah ouais, parce que plus le temps passe, plus je me rends compte que mes collègues sont complètement perdus dans les références assez pointues et mon délire n'y bon, hein, il faut avouer quand même. Je pense que je vous perds à chaque fois que je commence à parler manga. Non, pas du tout. Ironie. Exactement. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une œuvre qui continue de faire du bruit. Hein. C'est principalement parce que le manga n'est pas encore fini. Hein. Voilà, au moins là-dessus, vous n'êtes pas perdu. Alors, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous aimez les grosses bastons ? C'est assez sympa. Ok. Merci. Casse la gueule. Adrien, il est en mode slow, Adrien. T'es... Oui. Est-ce que non, vous... mais j'aime bien qu'on se tape, en vrai. Oh, c'est bien. Est-ce que vous aimez la bouffe en quantité astronomique ? Ah non, ça, c'est pas du tout moi. Donc ça aussi, c'est de l'ironie. Hein. Et voilà. Et pour finir, est-ce que vous aimez qu'une histoire se torche le cul avec la réalité et vous fasse voyager à 15 000 pieds au-dessus des nuages ? Ne répondez pas à cette question. J'ai peur de la réponse. Hein. J'ai peur de la réponse, sérieux. Enfin, ben... C'est la drogue, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est japonais. Voilà, t'as pas encore compris qu'il y a une relation entre les deux à chaque fois ou... La drogue, c'est japonais, ou... Enfin bon, pour ceux qui suivent, vous l'aurez compris, on va parler de Toriko. Hein. Bon, allez, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser un peu au bonhomme qui est à l'origine. Et je veux parler de monsieur Mitsutoshi Shimabukuro. Ah ouais, c'est bien, ouais, je vois bien que tu... Ouais, on a bu des coups la semaine dernière, ouais, je te comprends. Enfin bon, pendant mes recherches, j'ai été un peu perturbé par le bonhomme, hein. Bah oui, parce que comparé au mangaka dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, et bah celui-là, c'est un peu un bad boy, mais en mode hardcore, tu vois. Tu prends Will Smith, tu lui fais une tête genre la Joker, et puis tu le mets, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est pour ça qu'il joue dans Suicide Squad. Effectivement, il faut savoir que Mitsutoshi est plus connu pour avoir payé une mineure dans le but de faire boum boum dans la cabane au fond du jardin, hein, laissant du coup ses mangas au second plan. C'est bizarre, Japon, pourquoi tu fais ça encore ? Pourquoi tu nous infliges ce genre de truc-là ? C'est pas comme si, tu vois, on a jamais eu ces trucs-là, nous, avec, je sais pas, RG, qui allait pas se taper des nanas qui avaient moins de 18 ans pendant qu'il écrivait Tintin. Enfin, bordel de merde. D'ailleurs, cette affaire lui vaudra la suppression de son contrat avec Weekly Shonen Jump, donc c'est l'entreprise au Japon qui nous amène et qui publie presque l'intégralité de tous les mangas de type shonen. En tout cas, c'est pas de bol pour Mitsutoshi. Bah ouais, hein, quand une nana est pas majeure et que toi tu l'es, bah soit tu te la mets derrière l'oreille, soit t'es discret. Et lui, il a pas compris le principe. Enfin bon, je vais pas vous parler de tout le parcours de ce mangaka parce que bah, c'est vraiment que Toriko qui nous intéresse là pour le moment. Et après, les autres mangas qu'il a écrits ont pas forcément eu de renommée spectaculaire. Alors bon, il faut savoir que Toriko existe en manga depuis 2008, qui est toujours pas fini, ce qui est quand même relativement bien en durée de vie d'un manga. On en est à 360 chapitres, grosso modo. Donc ouais, c'est vraiment pas mal du tout, étant donné sa notoriété. Hein, et bah oui, parce que après, il a réussi à obtenir un animé en 147 épisodes, parce que oui, pour le moment, l'animé est fini, hein, entre 2011 et 2014, ce qui veut dire que les mecs ont pas chômé. Et surtout que il y a moyen que ce soit sympa. Je vous avoue, j'ai pas encore regardé l'anime, moi je me suis plus concentré sur le manga. Donc bon, voilà, vous en savez un petit peu plus sur le bonhomme qui a écrit, donc Mitsutoshi, et ensuite comment s'est déroulée la création un peu du manga. Donc de manière bordélique, on peut le dire. L'histoire de Toriko, ça se déroule dans un monde imaginaire où le goût et la texture des aliments sont très importants. L'intrigue se centre sur Toriko, donc c'est le personnage principal. Je pense que j'ai assez dit Toriko pour que vous compreniez que c'est le perso principal. Et Toriko est un chasseur d'ingrédients qui poursuit sa quête du menu parfait, hein, qui serait composé... tais-toi. Ouais, j'ai pas entendu, je t'ai pas écouté, je sais pas si c'est Hitorico. Enfin bon, du coup, il est à la poursuite de sa quête du menu parfait, hein, c'est-à-dire de trouver les meilleurs ingrédients et de les amener à un cuisinier qui sera suffisamment expérimenté, qui aura assez de cosmos, on va appeler ça, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu le délire, pour cuisiner des aliments qui sont extrêmement compliqués. Il cherche le menu parfait, qui serait composé de tous les meilleurs plats existants à travers le monde, donc c'est ce que je viens de vous dire. Et son équipe doit cependant faire face à une nature extrêmement hostile. Bah ouais, parce que, bien entendu, comme on est dans un manga, tu vas pas chez le boucher du coin pour aller acheter ta viande. Non, tu vas directement dans le monde hostile qu'il y a très loin, et tu vas péter la gueule à des monstres, en fait, mais des trucs de malades mentaux, quoi. Enfin, de temps en temps, tu tombes sur des espèces de monstres, genre un cheval. Un cheval, c'est tout mignon. Et bah ouais, sauf un cheval qui fait à peu près 45 km de long et de haut, tu vois, c'est le truc complètement what the fuck. Et c'est génial, en fait, c'est vraiment rafraîchissant. L'histoire part complètement en vrille, mais c'est contrôlé. C'est-à-dire, ils t'amènent à peu près là où ils veulent, et sans trop vraiment te malmener dans l'histoire. C'est-à-dire que t'es tout le temps là, t'arrives toujours à comprendre ce qui se passe, même si tu regardes ça d'un point de vue extérieur, t'es là en train de te dire, mais c'est nawak. Ça part en couille dès le début, je comprends plus rien. Mais c'est juste... c'est vraiment très attractif, c'est même très, addictif. Tu rentres vraiment dans l'équipe avec eux et t'as vraiment envie de savoir ce qui va se passer, surtout au niveau de la bouffe, pour voir ce que les mecs ils seront capables de t'inventer comme goût, comme nouvelle saveur, comme manière de cuisiner, avec un délire un peu à la... il faut éveiller ta force intérieure, non seulement pour le mec Toriko qui va aller chercher les plats, parce que lui, les adversaires vont devenir de plus en plus forts, donc lui aussi va devoir devenir de plus en plus fort. Et voilà, ce qui est aussi très amusant, c'est que plus ils vont bouffer de la nourriture de qualité, plus ils vont devenir forts. Parce que justement, voilà, c'est le level up par la bouffe. C'est un peu Mario, sauf qu'au lieu de bouffer des champignons, bah tu vas te bouffer des gros rôtis, des trucs comme ça, et du coup ça va être vraiment fun. Donc voilà, pour l'histoire, c'est un peu compliqué, hein, je vous l'avoue, hein, même moi j'ai été complètement paumé quand j'ai commencé à me dire, bon allez, je vais parler de Toriko, je me suis dit, mais... comment je vais faire? C'est complètement perché, tout le monde va me dire, mais qu'est-ce que t'as fumé avant? Enfin bon, pour moi, le but de l'anime, je pense que Mitsutoshi est parti du délire manger, c'est la vie. Donc voilà, il s'est dit, maintenant je vais créer un monde où tout se tourne autour de la bouffe. C'est-à-dire, dans ce monde-là, tu peux arriver et payer ton loyer en bouffe. Tu peux même te faire construire une maison à partir de bouffe. T'imagines le délire, comment ils ont poussé ça loin quand même, sachant que voilà, va y avoir aussi des créatures légendaires, parce que oui, si on revient à l'exemple du cheval dont je vous ai parlé avant, parce que c'est pas des conneries, il y a vraiment un cheval dans le manga qui est immense et qui est capable de détruire la planète, en fait, hein, c'est à peu près ça le délire. Il peut détruire la planète juste avec en sautant, tu vois, c'est vraiment le truc de bâtard. Mais je sais pas comment vous dire ça, je trouve cet animé extraordinaire. Déjà parce que rien que le fait de regarder un épisode vous donne faim, je trouve ça génial. Et puis après, le fait qu'ils arrivent à tout justifier avec la nourriture, je trouve que c'est un exploit au niveau scénaristique qui est juste hallucinant. C'est comme si on faisait un animé sur les stylos, et que grâce aux crayons de papier, je suis capable de tout vous justifier dans cet animé. C'est juste à mourir de rire. Et puis aussi, il faut, pour comprendre aussi la ultra notoriété, cette ultra réputation de cet animé, il faut savoir que Mitsutoshi Shimabukuro, c'est un grand pote à Eiichiro Oda. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas qui est Eiichiro Oda, c'est le papa de One Piece. Et One Piece, c'est certainement... c'est le plus grand manga, le meilleur manga qui existe pour le moment, hein. C'est surtout celui qui n'est pas prêt de s'arrêter, parce qu'on est arrivé qu'à la moitié. Enfin bon, voilà. Pour vous dire, il y a eu quand même des crossovers entre Toriko et One Piece, et même encore plus, il y a eu des crossovers entre Toriko, One Piece et DBZ. Donc là, je vous supplie d'aller sur YouTube et de trouver le combat entre Toriko, Sangoku et Luffy, qui est juste un combat qui dure, je sais plus, 2-3 minutes, mais qui est hallucinant. C'est ce qu'on rêve tous de voir dans un animé, des combats ultra épiques, c'est ça qui devrait se passer à chaque fois. Et ben, c'est un OAV, c'est fâcheux, mais c'est comme ça. Alors, en tout cas, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur Toriko. Je vais pas trop vous parler de l'histoire un peu derrière, parce que c'est déjà d'une part très compliqué, et que je ne crois pas que je serais capable de vous donner plus envie de le regarder sans vous spoiler. Alors, si vous avez confiance en moi, je vous conseille de lire les scans, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le manga. Je ne sais pas ce que vaut l'animé. J'imagine que pour avoir seulement 147 épisodes, alors qu'il y a 300, comme je vous l'ai dit, 360 chapitres, il y a moyen que ce soit vraiment de la bonne cam. Après, on sait tous ce que sont devenus les épisodes de Naruto ou One Piece, hein, avec tous leurs spin-offs qui... Je vais m'arrêter là avant de devenir, avant de pas être très politiquement correct. Mais bon, je pense vraiment que c'est un manga qui vaut le détour et que vous serez très content d'avoir lu, non seulement pour votre plaisir, et que aussi pour vous détendre. C'est donc sur cela que je vais finir la cave asiatique. On peut donc maintenant sortir de cet univers complètement what the fuck-esque, on va dire. Et on va pouvoir... Du coup, elle est où la bouffe ? Ouais, t'as parlé de bouffe pendant tout le truc, j'ai faim maintenant, moi. Eh bah, je vous conseille d'aller lire Toriko, ou regarder les premiers épisodes, je pense qu'ils ont pas pu se chier à ce point là-dessus, quand même. Et maintenant, il est temps de dire au revoir à nos chers auditeurs, messieurs. C'est le moment de se quitter. Cher. Au revoir, chers auditeurs. Vous... Au revoir, l'auditeur du fond, là-bas, là, qui nous écoute. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai du mal avec eux, c'est qu'à chaque fois que je fais une chronique... À la fin, j'ai l'impression qu'ils viennent de se prendre à peu près un paquet de Prozac ou de Xanax, c'est le truc, ils sont amorphes. Ah, c'est ce que je fais, quoi. Sinon j'arrive pas à comprendre, donc je suis obligé, sinon j'arrive pas à suivre. Je peux pas travailler dans ces conditions. Et du coup, elle est où la petite fille? Ah, ça, je sais pas, ça, c'est... tu sais, c'est des Japonais, tu sais jamais s'ils ont retrouvé le corps ou pas. Oh. Ok, voilà. Bravo, allez, moi je dis, ça conclut bien. Bien joué. Je sais, merci, je voudrais remercier tout le monde qui m'a aidé à produire cette émission, enfin non. En tout cas, on a passé un bon moment en votre compagnie, et on vous dit à dans 2 semaines. À ciao, bonsoir. Salut. Salut.